Chapitre 2. Elle resta un mois à la villa d'Est, et Danaïers la vit tous les jours. Elle montrait un plaisir très franc à sa société, mais ce plaisir était si évidemment fondé sur leur commune vénération pour Randall, que le jeune homme pouvait en jouir sans arrière-pensée de fatuité. Au début, il n'était pour la jeune femme qu'un grain d'encens de plus sur l'autel de sa divinité, puis, insensiblement, une note plus personnelle s'introduisit dans leur rapport. S'il continuait à lui plaire uniquement parce qu'il appréciait Randall, elle le distinguait du moins d'une manière absolue dans le troupeau des autres admirateurs du poète. Danaïers fut frappée de cette attitude si parfaite envers la mémoire du grand homme. Madame Anerton ne proclamait ni ne désavouait son identité littéraire. Pour ceux qui savaient le secret et que cela intéressait, elle était franchement Sylvia. Pourtant, il n'y avait pas de trace de légèreté dans sa manière d'être. Elle parlait souvent des livres de Randall, rarement de lui-même. Il n'y avait aucune conjugalité posthume, aucun usage du prénom possessif dans ses abondantes réminiscences. Elle ne se lassait jamais de décrire la vie intellectuelle du maître, ses habitudes de pensée et de travail. Elle connaissait l'histoire de chaque poème, par quelle scène ou quel épisode chaque image avait été évoquée. Combien de fois, dans une certaine strophe, les mots avaient été déplacés. Le temps qu'il avait mis à chercher telle métaphore. Elle-même avait une explication pour ce vers impénétrable qui faisait le tourment des critiques, la joie des détracteurs, le dernier vers du poème, le vieil Odysseus. Danaïers sentait qu'en parlant de toutes ces choses, elle n'était pas un simple écho de l'esprit de Randall. Si sa personnalité avait paru absorbée par celle du maître, c'est simplement qu'il pensait de même, et non point parce qu'il pensait à lui, pour elle. La postérité incline à considérer les femmes chantées par les poètes comme des clous auxquels le hasard leur a fait suspendre leur guirlande. Mais l'esprit de Madame Anerton était comme un jardin fertile où l'imagination de Randall avait nécessairement pris racine et fleuri. Danaïers s'en aperçut bientôt. Le poète avait dû à l'union de cette nature avec la sienne plus d'un fil et des plus précieux de son complexe tissu mental. En un certain sens, Sylvia avait elle-même créé les sonnets à Sylvia. Au fur et à mesure que son intimité avec Madame Anerton grandissait, Danaïers avait l'impression d'arriver en intrus dans cette vie déjà si remplie. Être la gardienne de la personnalité intime de Randall, la porte, si l'on peut dire, du sanctuaire, avait semblé au jeune homme un privilège si complet. Quelle place y restait-il parmi les souvenirs aussi envahissants pour une actualité aussi infime que la sienne? Puis, soudain, il découvrit que Madame Mémoral y avait vu plus juste. Son heureuse amie était ennuyée aussi bien que solitaire. « Vous avez eu un partage plus qu'aucune autre femme », s'était-il écrié un jour. Et un sourire éclaira sa méprise d'une lueur ironique. Insensé qu'il était de n'avoir pas vu, qu'elle n'avait pas eu assez, qu'elle était jeune encore. Est-ce que les années comptent? Qu'elle était tendre, humaine, femme enfin? Que les vivants ont besoin des vivants? À compter de là, quand ils gravirent les allées en pente du parc, se reposant dans un des petits temples ruinés, ou contemplant, à travers un rideau de feuillage, le lointain éclair azuré du lac, ils ne parlèrent plus exclusivement de Randall ou de littérature. Elle encourageait Danaïers à se raconter lui-même, à lui confier ses ambitions. Elle lui posait de ces questions qui sont chez une femme l'équivalent d'un conseil. « Vous devriez écrire, » disait-elle, en formulant la plus exquise flatterie que peuvent exprimer des lèvres humaines. Naturellement, il écrirait. Pourquoi ne pas entreprendre à son tour quelque chose de grand? Il ferait du moins de son mieux, avec la résolution que son mieux serait le mieux. Rien d'autre n'eût paru suffisant au jeune homme, avec un tel mandat dans les oreilles. Comme elle l'avait deviné. Comme elle avait soulevé et démêlé ses ambitions éparses, mis en éveil son esprit, avec ce fiat lux. C'était leur dernier jour ensemble, et ils se sentaient heureux, sans avoir d'espoir défini. « Oui, vous devriez écrire, et un livre sur lui. » reprit-elle doucement. Danaïers eut un sursaut. Il commença à ne plus aimer cette façon avec laquelle Randall apparaissait sans se faire annoncer. « Vous le devriez, » insista-t-elle. « Il faudrait donner une interprétation complète, un résumé de son style, de ses intentions, montrer sa théorie de la vie et de l'art. Personne ne pourrait le faire aussi bien. « Comment mener à bien cette œuvre sans vous ? » murmura-t-il. « Je pourrais vous aider, je vous aiderai, naturellement. » Tous deux demeurèrent silencieux, regardant le lac. il fut convenu qu'il la rejoindrait 6 semaines plus tard à Venise. Là, il parlerait du livre.